Étrangers, soyez les bienvenus dans la maison de Paddy O'Moore. Vous êtes irlandais, dit Glenarvan, en prenant la main que lui tendait le colon. Je l'ai été, répondit Paddy O'Moore. Maintenant, je suis australien. Entrez, qui que vous soyez, messieurs, cette maison est la vôtre. Il n'y avait qu'à accepter sans cérémonie une invitation faite de si bonne grâce. Une vaste salle occupait le rez-de-chaussée. Une large longue table, à laquelle 20 convives se seraient assis à l'aise, formait un ameublement digne de la solide maison et de ses robustes habitants. Le dîner de midi était servi. Paddy O'Moore indiqua de la main la place réservée aux étrangers. « Je vous attendais, » dit-il simplement à Lord Glenarvan. « Vous ?» répondit celui-ci fort surpris. « J'attends toujours ceux qui viennent, » répondit l'Irlandais. Puis, d'une voix grave, pendant que sa famille et ses serviteurs se tenaient debout respectueusement, il récita le bénédicité. On fit fête au repas. Paddy O'Moore raconta son histoire. C'était celle de tous les émigrants que la misère chasse de leur pays. Quiconque est sobre et courageux, économe et brave, réussit. Tel fut et tel était Paddy O'Moore. Il quitta Dundalk, où il mourait de faim, amena sa famille vers les contrées australiennes, débarqua à Adélaïde, dédaigna les travaux du mineur pour les fatigues moins aléatoires des agriculteurs. Et, deux mois après, il commença son exploitation, si prospère aujourd'hui. Tout le territoire de l'Australie du Sud est divisé par portions d'une contenance de 32 hectares chacune. Ces divers lots sont cédés aux colons par le gouvernement. Paddy O'Moore savait cela. Ses connaissances agronomiques le servirent fort. Il vécut, il économisa et acquit de nouveaux lots avec les profits du premier. Sa famille prospéra, son exploitation aussi. Le paysan irlandais devint propriétaire foncier et, quoique son établissement ne compta pas encore 2 ans d'existence, il possédait alors 200 hectares, d'un sol vivifié par les soins et 500 bêtes de bétail. Ses hôtes, à ce récit de l'émigrant irlandais, répondirent par de sincères et franches félicitations. Paddy O'Moore, son histoire terminée, attendait sans doute confidence pour confidence, mais sans le provoquer. Mais, un homme qui va droit au but, Glenarvan interrogea d'abord Paddy O'Moore sur le naufrage du Britannia. L'Irlandais n'avait jamais entendu parler de ce navire. Depuis 2 ans, aucun bâtiment n'était venu se perdre à la côte. Alors, Glenarvan raconta aux colons l'histoire du document, le voyage du yacht, les tentatives faites pour retrouver le capitaine Grant. Il ne cacha pas qu'il désespérait de retrouver jamais les naufragés du Britannia. Robert et Mary étaient là, qui l'écoutaient, les yeux mouillés de larmes. Quand ces paroles se firent entendre, « Milord, louez et remerciez Dieu. Si le capitaine Grant est vivant, il est vivant sur la terre australienne. »